Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à tous et bienvenue à Manche Disque, nouvel épisode estival, et non seulement estival mais en plus IRL avec, oui. Et voilà, vous l'avez reconnu, avec monsieur Mikado Twix. Comment ça va Wiz? Ça va très bien. Moi je suis content, ça fait un moment que j'ai pas fait un petit numéro faute de temps, mais j'avais vachement envie de ressortir mes disques pour qu'on en parle encore une fois ensemble. Et ben voilà, quand l'occasion se présente, on en profite. Et une fois n'est pas coutume, nous avons lâché les 33 tours, les CD et compagnie pour aborder une sélection de 45 tours. C'est un petit peu le titre de l'émission en même temps, non? Le fameux manche-disque, non? Oui, on en vient enfin voilà, à l'objet. Oui. Il y a un moment, il fallait la faire cette émission. Il fallait quand même le faire. Et c'est pas par rapport à ce qu'on a pu faire à plusieurs reprises, vraiment des achats récents, mais vraiment... Là c'est vraiment un numéro des souvenirs. Madeleine, hein, comme j'aime bien dire. c'est ton fonds de commerce, c'est ta Madeleine de Proust. Tu sais que je l'ai déposé sur l'INSEE, le fondsdecommerce.com et tout. J'en doute aucunement. Donc nous avons, parce qu'on aime bien faire des parties, des sous-parties, oui. Et voilà, des antithèses et des thèses et des conclusions. Non, mais je suis pas Yetcha, moi, faut que t'arrêtes. Hein. Alors, en 1412, les 45 tours sous Gutenberg. Donc, petit A, grand B, nous avons décidé de sélectionner deux 45 tours pour enfants, on va dire, de manière c'est large. C'est vrai que le support s'y prêtait, mais à fond, quoi. Bah, un petit peu. Moi, quand c'est même, un oui. peu le gros de ma collection de 45 tours, c'est tout ce qui était dessin animé, histoire d'enfants et tout, hein. Quand vous aurez entendu la fée Clochette, vous pourrez tourner la page. ensuite, deux 45 tours français. C'est bon, ça, en plus. Ou francophones. C'est ça. Si jamais il y a, je sais pas, il y a peut-être un Céline Dion qui se promène, tout ça. Ah, un Pierre Ziggy. Ah non, c'est 91 Ziggy, ah, ouais, désolé. Non, ça va pas. Dommage. Et puis, deux 45 tours internationaux. Donc là, on a une formule pour à peu près 15 numéros, quoi. On peut, oui, tout à fait. Donc c'est le premier. On s'en interdit pas d'autres à partir du moment où on a une sélection pertinente. Il y a Murdoch qui va venir poser ses disques à un moment. On en a discuté pas plus tard qu'hier et il aimait bien l'idée. Donc, écoute. Donc on va démarrer avec les enfants, les 45 tours pour enfants. Et oui. Monsieur Twix, je te laisse le premier extrait. Eh bien, on va s'écouter la chanson de Nono de 1981. Le petit rond. Alors pourquoi j'ai choisi ce disque? Pour plusieurs raisons, parce que comme tu l'as dit, c'est un 45 tours que j'ai possédé à l'époque. Comme tu le sais, j'adore Ulysse 31. J'ai racheté l'édition vinyle de notre ami David Collin, que je conseille chaudement. Mais Nono ne chante pas dessus. Et voilà, donc c'est bon, c'était la pièce manquante. Soyons honnêtes, c'est pas une super chanson, hein, tu as un petit clou, machin et tout. Mais j'ai un affect vraiment tout particulier parce que moi, c'est un disque que j'avais, manche-disque et tout. Voilà, on est dans le thème. Hein. Je l'avais déjà fait découvrir la série à mes enfants dans le cadre des révisions. Mm-hmm. Ils avaient évidemment accroché, parce que c'est une des meilleures séries de dessins animés au monde. Et je leur ai mis une fois en voiture la chanson de Nono, et je sais pas, c'est devenu, tu sais, genre la petite chanson de famille que tu chantes avec tes garçons. C'est devenu une Madeleine de Proust collective, en fait, un c'est petit ça peu, ouais, qui est, soyons honnêtes, qui est très stupide, hein, mais je sais pas, elle fonctionne. Comme de nombreux génériques de dessins animés, enfin bon, on est quand même pas. Ah, celle-là, quand même, il y a mieux quand même. C'est pas demain que ça va sortir sous la Pléiade, quoi. Oui, c'est pas faux. C'est pas ce qu'on y demande non plus, d'un autre côté. Tout à fait. Et donc, pour parler rapidement du titre, j'ai très peu de sources, mais c'est un titre de 1981. Lionel Leroy est crédité, je sais pas comment. Par hasard, peut-être. C'était une marque, hein, je pense, quoi. Et évidemment, Nono est crédité aussi. Et c'était produit et arrangé donc déjà par Haïm Saban et Chouki Lévy, qui dont on n'avait pas fini d'entendre parler. C'est pas faux, voilà. Moi, j'avais pas le 45 tours à l'époque. Mmh. Ça fait partie des 45 tours que j'aurais aimé avoir. Ah, on est d'accord. Parce que j'étais déjà effectivement. Et toi, t'as eu la chanson du mondial, non? C'est pas ça? Non. Parce que Nono, c'est vrai qu'on n'a pas creusé. Ah oui, il en a fait d'autres. Celle-là, c'était vraiment le premier 45 tours de l'univers Nono. Et il y a eu plein d'autres trucs. Par contre, c'était très, très, très mauvais, quoi. Ça... Bah, moi, il y en a une que j'aimais davantage et qui passait en intermède dès qu'il y avait une bande. C'est ce que tu me disais, ouais. Voilà. Dès qu'il y avait une bande qui cassait sur FR3, il mettait ça. C'était Je fais du bruit. Je fais du bruit. Dont j'avais pas plus le 45 tours à l'époque, mais que j'ai racheté depuis, mais que j'avais enregistré l'intermède sur cassette. Donc, j'avais la chanson sur cassette avec le magnéto posé contre le haut-parleur de la télé. Évidemment, on l'a tous fait. Et voilà. Et ça, c'était ma chanson préférée encore plus que la chanson de Nono. Voilà. Très bien. Mais c'est ma cam complètement. D'accord, bon, enfin, on reste dans le thème, quoi. Exactement. Alors là, on va passer à ton premier choix. Et oui, alors je triche un petit peu, mais je ne l'ai pas eu à l'époque. C'est un 45 tours extrait de L'île aux enfants. Ah, et en fait, c'est venu. C'est pas ça, mais c'est ce qu'on appelle un double feature, parce qu'en fait, il y a deux faces A d'une certaine manière. Il y a d'un côté la chanson d'Antivol et de l'autre la chanson d'Albert et Barnabé. Et à l'époque, je l'avais demandé à corps et à cri, surtout pour la chanson d'Albert et Barnabé. Donc, c'est ça qu'on va écouter. Où se trouve donc petit Albert? Albert, apporte-moi mon gros dessert. Coucou, je suis Albert et me voilà. Je suis vraiment un petit. Je suis le grand Barnabé. Je suis vraiment très très futé. Je suis très gros et je suis grand. Et je soulève un éléphant. Albert, apporte-moi mon gros dessert. Albert, apporte-moi mon gros dessert. Et c'est un disque de 1978. Je m'en souviens très très très très très mal. Hein. C'est le truc que tu m'as montré avec la voix d'Henri Djanik, ouais. Aka Kojak, exactement. Mister T et tout. J'ai très peu de souvenirs. C'est vrai que t'as l'air assez étonné. Les auditeurs, hein, n'hésitez pas à commenter sur notre tout beau site. Moi, j'ai peu de souvenirs. Pourtant, tu sais que je sais bien que t'es réceptif à tout ce qui touche de L'île aux enfants. Oui, oui. C'est une des séquences additionnelles de L'île aux enfants et c'est une de celles qui a duré le plus longtemps parce qu'elle a été diffusée de 76 à 82. Mais j'étais pas né, moi, tu sais, je suis né en. L'escroc. T'es un peu né en 76, il me semble. Mince. Donc voilà, animé par les fameux Lenati et Bettiol. C'est des personnages un petit peu, ils ressemblent à des boîtes de conserve d'une certaine manière. Oui, c'est vrai, ouais. Et ça reste très coloré, très joyeux. Et puis il y a le gros roublard qui grogne tout le temps et le petit qui fait que des bêtises et qui est toujours joyeux, positif. Et, Un petit peu esclave sexuel quand même, non? Et, non, ça m'avait pas particulièrement. Non, mon gros dessert, ça n'est pas une allégorie, quoi. Donc. Ou en tout cas, ça m'a échappé à l'époque et ça m'échappe toujours. Bon, j'ai peut-être les idées mal placées, mille excuses. Donc voilà, moi, j'aimais beaucoup cette chanson-là, mais j'aime beaucoup aussi de l'autre côté. Hein. Il y avait la chanson d'Antivol avec l'ineffable voix de Daniel Secaldi, et c'était un grand moment aussi, mais j'écoutais surtout Albert et Barnabé. Donc voilà. D'accord. C'était grosse madeleine. Hein. Ouais, ça faisait. Parce que on pouvait quand même pas avoir un milliard de 45 tours. Et t'avais un manche-disque aussi ou pas? J'avais un manche-disque. Ah, l'orange, évidemment. L'orange, enfin un des oranges, s'il n'y en avait pas, il y en avait plein. Ouais. Et que j'avais bizarrement, je sais pas pourquoi, assez vite ouvert. Ah oui, c'est ce que tu nous expliquais. J'avais viré le capot. Raconte cette anecdote, c'est intéressant. Je sais pas, ça m'agaçait, j'avais l'impression que j'allais casser les disques et à toujours forcer pour mettre les trucs dedans. Donc en fait, j'avais démonté le capot et puis. Je me souviens pas, j'ai dû essayer de mettre un 33 tours dessus une fois et je me souviens plus vraiment si ça avait fonctionné ou pas, mais par contre oui, assez souvent j'avais tendance à le démonter. Ouais, bon. Mais voilà, c'est, je pense que j'étais pas le et seul. Et c'était quoi à l'intérieur? C'était pas des petits lutins qui faisaient tourner Non, le j'étais disque vachement déçu. Ah zut. Je pensais qu'il y avait des léprechaunes, mais non, il y avait ah, pas. Ah mince. Bon, tant pis. Voilà. Donc un deuxième 45 tours pour enfants, Monsieur Twix. Alors là, c'est vraiment la Madeleine parmi les Madeleines. 1981, Dorothée, évidemment, hein, Dorothée. Et le titre que j'ai retenu, c'est Rock c'est Rookie. Du monde des humains, mais Rock et Rookie s'en vont dans la vie ces rookies sont de petits amis. Un petit... Alors là, bah là, j'avais quoi ? J'avais 4-5 ans et ça m'a marqué au fer rouge. Rock, c'est rookie. C'est, pour moi, c'est le dessin animé même. C'est la première claque dessin animé que je me suis prise parce que le côté, bon, bah, c'est deux petits copains. Comme, la chanson il décrit très bien l'histoire en fait. Hein. Ça spoil la mort, et, comme tu disais ouais, tout à l'heure. Ça spoil. Et bon, bah, c'est un petit renard qui fait copain avec un chien de chasse. Et bon, bah, comme tous les animaux, ils grandissent un jour. Et ils deviennent ennemis de par leur nature et tout. Enfin, à l'époque, ça m'avait sidéré. Et je ne l'ai pas revu récemment. Mais je crois qu'en plus, au niveau animation, c'était pas honteux. Quoi. Enfin, on était dans le haut du panier quoi, chez Disney. Il n'y a jamais eu des choses super honteuses. Quoi. Mais, ouais, mais même au niveau de la narration, de l'histoire. Bon. Bah, j'ai l'impression que c'est une période, que les années 80, c'est une période où ils ont abordé des thématiques. Tu vois, les tarams, les machins. Un tout, petit peu plus sombres. Mais justement, j'allais sortir le. Oui, ouais, le taram et le chaudron magique. C'est l'enfant honteux de Disney, j'ai jamais compris pourquoi. Mais il est super bon, ce dessin animé. Ouais, validé par Spade et tout. Mais il y a quelque chose, oui, il y a plus de pesanteur quoi, dans cela et c'est plus. D'un autre côté, tout le monde reste complètement marqué par la mort de la maman de Bambi. Ouais, c'est ça. Il y a quand même ça aussi. Moi, c'est rock, donc, c'est rock, donc voilà. Bah, mais moi aussi, hein, ça m'a marqué à l'époque. Alors donc, pour parler un peu du disque et de Dorothée, à partir de 1979, Dorothée devient l'ambassadrice de Disney en France. Elle se voit confier donc la présentation de Disney Dimanche sur Antenne 2. Avant Jean-Pierre Foucault. J'en ai absolument aucun souvenir. Moi non plus. Parce que on l'a écouté le disque, parce que j'ai le 45 tours. Et la phase B, c'est justement le générique de cette émission. Et bah désolé, mais je n'ai aucun souvenir de ça. Bah on était peut-être trop jeune, 81, ouais, on devait avoir 5-6 ans, quoi, tu vois. Alors faut savoir que le 45 tours a été vendu à 1 100 000 exemplaires. Ça va, ça va. Ça va. Et ce fut vraiment le premier succès commercial de Dorothée, quoi. Mais oui, parce que je crois que c'est plus ou moins le premier truc qu'elle a sorti. Hein. Ouais, qui était sur l'album, sauf erreur, de Où la menteuse. Absolument, qui est sorti l'année d'après. Qui sortait 4 mois plus tard, quoi. Et il a été jusqu'à 8e meilleure position au top, peut-être pas 50 d'époque, mais au top. Et il est resté en tête des trucs pendant 25 semaines. Je te confirme, pas sur le nombre de semaines, mais sur le fait qu'il était au top, parce que je crois... Remarque qu'il y avait peut-être la chanson de Récréa 2, mais c'est la première chanson de Dorothée que j'ai entendue à la radio et que j'avais enregistrée à l'époque. Et c'était Ah oui, t'avais déjà les platines. Quoi. J'étais déjà avec mon magnéto, j'étais inséparable. D'accord, donc c'est toi, Serge. Tout à fait. Et je l'avais enregistré sur ce qui était le top de la semaine. Et tu valides, je t'ai pas demandé. De Europe 1 ou RTL. Mon oui. Ah, mais oui, je valide. Bah, je te dis, je l'avais enregistré, c'est que j'aimais. Oui, mais bon, peut-être que ouais, Rock c'est Rookie. Bon. Non. Le... C'est pas le disque qu'on met tous les jours, entendons-nous bien. Mais... Le film, bien entendu. Enfin, le dessin animé, bien entendu. Le 45 tours, voilà, je l'écoutais. Pas le 45 tours, mais pareil, une prise radio. Et effectivement, il annonçait l'album où il y avait Où la menteuse, que j'ai eu assez vite en cassette. Il paraît qu'elle était amoureuse. Mais oui, mais chut, hein, il faut petit, petit frère, veux-tu te taire quand même, non ? Et moi, je l'aime bien. J'ai même réécouté le disque de Dorothée. Est-ce il n'y a encore pas si longtemps que ça. Est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on ferait un numéro spécial Dorothée ? Bon, il faudrait peut-être faire un cross Dorothée Chantal Goya ? Ah non, Dorothée. Il y a un truc à faire juste sur Dorothée. Ouais, peut-être. Et bah donc là, on va attaquer ton deuxième choix. Là, on est dans le dessin animé, on est dans la jeunesse, on est sur quoi ? On est dans du dessin animé. Ah. Alors c'est une animation un petit peu spéciale, mais voilà. C'est la chanson de Yok Yok. Voilà, nous sommes aussi en 1981. Et nous sommes aussi chez Dorothée, parce que c'est un dessin animé qui passait sur Récréa 2. Récréa 2 enfin récréé à deux. Mais oui, non, quand même. Et quel plaisir de vous retrouver. Et bien, c'est pour ça que je me dis que franchement, on n'a pas dû du tout voir cette histoire de Disney, parce que à l'époque, bah, la télé, je la regardais quand même, quoi. Donc, ouais, je sais pas pourquoi Disney n'est pas passé. Il y a une faille, hein. Y a une faille quelque chose. Il y a une faille quelque part. Il y a une faille temporaire. Donc temporaire. Temporaire, temporelle. Il y a donc la chanson d'Yok Yok, c'est une sur une musique d'Henri Dess. Ouh. Qui a fait tout l'album, que j'avais en cassette à l'époque, en plus du 45 tours. Et c'est quelque chose, c'est un, donc pour ceux qui ne se souviennent pas, allez sur, je crois que c'est Dailymotion, où il y a encore le générique, et quelques, on mettra le lien, Pierre. Et quelques images, sinon on mettra le lien. C'est un petit personnage, comme il le raconte, avec une espèce de chapeau tout rouge sur la tête. Enfin, on ne sait pas si c'est ses cheveux. On dirait un champignon un petit peu. Il ressemble un petit peu à un champignon, et il a des petites aventures toutes mignonnes dans la nature, avec des petits animaux. Et c'est très années 70, c'est vraiment la fin du visuel années 70. Ah oui, ah oui. À mort. Un peu pastel et tout, quoi, tu oui, vois. Oui, complètement. À gouache et mais tout. Mais c'était mon époque, ma première époque enfant sage. Je lisais Astrapi et je regardais Yok Yok. Ah, ben, je comprends. Il y a eu toute une série de bouquins qui sont sortis, qui ont été adaptés du dessin animé, qui sont sortis chez Gallimard à l'époque. Je devais en avoir un ou deux. Et en fait, bah, ça fait partie des rares trucs pour enfants qui sont ressortis. C'est-à-dire que Yok Yok s'est ressorti récemment en CD. Ah. Parce que bah il faut croire que à mon avis dans le 16e arrondissement on aime bien encore les trucs. C'est voilà il y a pas de trucs sales, il y a pas de trucs méchants, il y a pas de violence. Même... c'est juste le petit personnage qui va voir son copain le hérisson, tout ça. C'est tout mignon comme ça. Truc. Va, c'est innocent. Quoi. C'est absolument innocent. C'est très très bien fait et je pense que pour ça c'est un côté assez intemporel. Donc ça se trouve très facilement en CD. D'accord. Bah moi très honnêtement bah évidemment tu connais un peu mon retour parce oui. qu'on en a parlé. Je m'en souvenais pas du tout. Mais quand t'as vu l'image, ça mais t'a parlé. Voilà, quand tu m'as sorti le générique, parce que là, comme ça, la musique à l'oreille, zéro souvenir, j'ai eu un gros flashback. C'est marrant, hein, parce que j'y ai pas pensé depuis une tétrachée d'années. Et c'est le côté quand le petit personnage, il se réveille ou il est né dans une coquille de dans noix ou je sais pas quoi. Une coquille de noix, tout à fait. Et là, tu dis, oh là là, mais bien sûr. Et voilà, je pense que c'est probablement le truc que je regardais tout petit et que je devais fortement apprécier. Mais ouais, je pense. Mais c'est effectivement que quand t'as plus le souvenir et que tu te prends juste le générique, tu fais, oula, ça sent un peu la shram. Il y a un côté très mai 68. Léger. On est dans les babes un peu. Fait passer l'encens et tout. mais voilà, moi je trouve. Et ça, vraiment très très mignon. C'est à 1000 lieues de Goldorak. Ah oui. Donc nous allons pouvoir aborder la deuxième partie, la sélection France. France ou francophone, puisque je ne me souviens plus si c'est les artistes purs français ou s'il y a du belge, ah, du moi, belge, y a, du suisse. Ah, il y a du toulousain et du parigot. Hein, ah bah donc, voilà. Non, bah, ça sera français. Et donc, bah, j'écoute ta première sélection. Alors là, j'ai envie de te dire, on va voyager, on va se rapprocher des étoiles. Enfin, voyager. On va aller un peu plus près des étoiles, du groupe Gold. Ah bah là, on va à Toulouse, justement. C'est ça. Alors là, grosse Madeleine, parce que, alors, petite anecdote à l'Amicado, fallait bien que je le dise, hein, en général. Ça aussi, je l'ai déposé, petiteanecdote.com. Oui, tout à fait. Ton père, c'est ton père qui est le batteur. Oui, c'est presque ça. Et il est passé chez Sacré Soirée. Et, c'est ça. Et ma maman, elle ressemble à Bonnie Tyler. Elle a eu une totale éclipse. Hein. C'est classe. Et je suis né. Non, blague à part, mon papa était fan du groupe. Et alors, bon, après, les souvenirs sont un peu galvaudés, mais il me semble qu'on avait acheté au minimum le 45 tours. Mmh. Celui-ci m'a énormément marqué. Et en fait, il y a un an ou deux, j'ai mon voisin qui avait acheté un jukebox. il souhaitait se séparer de la beaucoup de ses 45 tours, parce qu'il avait probablement des doublons. Donc, me connaissant un peu ferrailleur du camping, il m'a dit, est-ce que on Mika, ça t'intéresse ? Oh ouais. Et dans le lot, il y avait cette chanson. Et là, flashback, quoi. Et je trouve que, au-delà du fait que, bon, ok, c'est de la variétoche, moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est un groupe de qualité. J'ai toujours pensé ça de Gold. C'est clair que le chanteur, il présente pas très bien. Il est pas avenant, quoi, tu vois. En revanche, il est... Ils étaient pas avenants de manière générale, non. Je trouve. Il y avait un côté... Il faisait son taf. Des coffrages. Voilà. Donc, t'as le même ressenti. Hein. Ah oui. J'ai oublié le nom du chanteur, mais c'est Émile, je crois, non, c'est ça? Oui. Si t'enlèves ça, j'ai toujours trouvé que c'était super efficace. Alors, pour parler un petit peu du truc, c'est... bon, évidemment, on l'a reconnu, interprété par Gold. Sur l'album Le Train de mes souvenirs, donc en 1984... C'est intéressant parce que nous, on est là un peu plus près, mais on connaît pas le fond de cette chanson. Et ce qui est intéressant de dire, c'est qu'elle parle du sort des boat people qui fuyaient les dictatures communistes vietnamiennes et cambodgiennes. Alors pourquoi ce thème, je sais j'avais pas. J'avais oublié, mais effectivement, oui, je confirme. Alors, c'est rigolo parce que le 45 tours est d'abord sorti à titre d'essai uniquement dans le sud-ouest de la France en 1985. Et il a une particularité, c'est que la pochette est noire et épaisse. Alors, j'aime autant te dire que sur Discogs, ça doit être un collector, tu vois. Le succès fut immédiat, à tel point qu'ils ont ressorti le 45 tours que je possède au niveau national, mais cette fois-ci avec une pochette rouge vif, qui est bon, qui est... C'est sans intérêt, soyons honnêtes. C'est pas ce qu'on a fait de plus joli. Oui, là, en juillet 85, le titre rentre au top 50 où il reste classé 24 semaines, atteignant à 3 reprises le numéro 2 du classement, séduisant plus de 900 000 auditeurs. Voilà. Ah donc, ils n'ont pas fait aussi bien que Dorothée ? Eh ben non. Alors, il s'agit du premier succès du groupe toulousain, suivi peu de temps après par... Capitaine, oui, bien voilà. Sûr. Effectivement, j'avais oublié le capitaine. Ah. On l'avait abandonné, c'est pour ça. Ah, le pauvre, ouais. Et oui. Eh bien, écoute, j'ai exactement la même chose que toi à dire. Moi, j'aime beaucoup. Ça m'a pris du temps. Il y avait un côté très top 50 sur le moment qui faisait que j'y prêtais pas plus oreille que ça. Ouais, mais le visuel, je m'y attarde pas plus que ouais, ça. Ouais, mais quoi. C'est dommage que c'est l'image Gold égale austère. Il y a un petit peu de ça. Donc, ça m'est revenu, en fait, un petit peu sur le tard. Et en particulier sur ce qui doit être le quatrième album qu'une copine m'avait passé en cassette en me disant si tu vas voir, tu ne sais pas mais tu aimes Gold. D'accord. Tu ne le sais pas encore. C'était l'album où il y avait Rio de Janvier. Ah oui, elle est classe là aussi. Hein. Et en fait, effectivement, je savais pas, mais j'aime beaucoup Gold. Ah, tu me fais plaisir, tu vois. Je t'aurais pas cru. Ah oui, non, mais vraiment, c'est beaucoup mieux que l'image qu'on peut en avoir. Et c'est pas juste un groupe top 50. Et, non. Et voilà. Donc, Le Train de mes souvenirs, je ne l'ai pas. J'ai le suivant CD, j'ai Calicoba. Oh, Calicoba. Ils ont fait des tubes. Il y a des très très. Sincèrement, ma préférée du groupe, ça reste celle que j'ai retenu. Et pour l'anecdote, donc pas sur cet album-là, mais justement celui où il y a Calicoba, je ne sais pas dans quel contexte ça s'est fait, mais j'ai découvert récemment, parce qu'il y a eu des remasters qu'on a retrouvés sur Deezer, qu'il y a eu une version anglaise de l'album complet qui a été faite. Et qui n'est pas honteuse non plus. Toujours chantée par Gold ? Toujours chantée par Gold. Est-ce qu'on a une petite version québécoise des fagots là, non ? Non, ça je suis pas au courant, mais vraiment ils en sont arrivés au point de sortir leur album en deux langues différentes. Je sais pas du tout si ça a in fine traversé les frontières ou pas, mais en tout cas ça a été fait, tout le monde l'a pas fait, donc c'est vrai. Mais non, moi je les aime bien. Alors effectivement, faut pas penser Émile et Images. Ouais, c'est galvaudé quoi. C'est un petit peu voilà maintenant. En plus, je crois que Gold ça existe, mais ils se disputent un peu le nom et tout avec oui, parce le chanteur. Ils ont continué sans. À un moment, Émile est parti faire quelques disques en solo. Ah, c'était pas bon. Et le groupe a continué et c'était pas désagréable non plus avec un autre chanteur et voilà. Mais bon. Parce que maintenant Émile et Images, mais bon là c'est un peu triste. Là. Non, mais Émile tout seul, c'est pas bon. Hein. T'avais déjà été. Je crois que j'ai jamais écouté. Oh là là, écoute, tu me feras un retour un jour. Alors là, écoute, évidemment, on attaque ton premier choix francophone. On est francophone ou France ? On est français, on est double France parce que non seulement c'est France, mais en plus c'est France. Et nous sommes en 1981 et elle donne tout pour la musique. Ah, oh. Et leur langage qui ne veut rien dire. Moi, j'aime bien. Hommage un peu, là, non ? Bah, bien entendu. Tu peux raconter la petite anecdote que tu m'as confiée tout à l'heure sur France Gall ? J'ai déjà eu l'occasion de le dire. J'aime Johnny Hallyday. Sur cette antenne. Non, mais j'ai rien contre Johnny. Hein. Effectivement, comme disait l'autre, j'ai pleuré quand France Gall est morte, mais quand Johnny est mort, j'ai repris deux fois des moules. Donc, voilà. Et effectivement, la dernière fois que je suis venu chez Monsieur Twix, donc c'était en janvier, et c'est au moment où France Gall nous a quittés. Et j'avoue que quand je suis reparti, j'ai eu une grosse bouffée de tristesse. Et j'étais vraiment pas bien parce que, bah voilà, depuis que je suis petit, tu l'as déjà dit hein, que t'aimais j'ai ton tous amour, ces 45 hein. tours. Ah oui. Mais enfin voilà, dès qu'il y en avait un, je l'avais. Et c'est pour ça que le choix français a été compliqué parce que tout est concentré sur trois chanteurs, quoi, quelque chose c'est comme ça. Michel France et le troisième, c'est Paul Naref. Ah oui. Et puis Jonas. Et puis voilà. Tout pour la musique, ça a été le premier album que j'ai vraiment over surkiffé. Premier album français. Il fait pas daté, hein. Il est encore. Et il marche tellement. Pour moi, c'est le meilleur qu'elle ait fait. On me l'avait déjà copié une première fois sur une cassette audio. Et c'était une cassette toute pourrie, donc le son était merdeux. J'ai économisé pour pouvoir m'acheter une belle cassette chrome, qu'on me refasse une copie du truc, là, pour le coup, qui était vraiment magique, avec une super sonorité. J'avais le 45 tours entre-temps, que j'écoutais beaucoup. Donc, ça m'a vraiment suivi, et je l'écoute encore très, très, très, très régulièrement. Bah, tu l'as mis tout à l'heure, pour quand on a préparé l'émission, ça passe crème, hein. Franchement, hein, ah bah ça passe toujours. Encore. Je ne suis pas un fan absolu, mais de France Gall, pour moi, c'est la chanson à retenir. Oui, quoi. Ouais, c'est un album que j'écoute au moins une fois par mois. Hein. Ça, ah, c'est... Oui. Ah oui, oui, oui. Il est dans ta playlist personnelle. Absolument, Il est sur ton portable. Quoi. Ah, mais c'est mon préféré. Enfin, sur ton baladeur. Quoi. C'est mon absolu préféré de France Gall. Il n'y a pas de. Bon, bah écoute, moi, j'ai rien d'autre à ajouter, hein, à part que je valide, que j'ai trouvé ça très bien. Et moi, j'ajoute aussi que c'est. J'ai plein d'anecdotes sur l'album, c'est un album qui nous a porté malheur, parce que ma mère l'avait acheté, elle, de son côté, en cassette. Hein, et à chaque fois qu'elle s'est fait, parce que c'était très à la mode à l'époque, voler son autoradio. Ah oui. Ça n'existe plus maintenant, ce genre de truc. Mais à l'époque. C'était tendance, ouais. Souvenez-vous, le vol d'autoradio était assez tendance. Quand on le mettait sous le siège, quoi. Et oui. Ou dans la boîte à gants. Ah bah, c'est quand il y avait les façades. Ah non, mais il y avait des boîtes à gants assez grandes pour. pour. Et à chaque fois qu'on s'est fait chourer un autoradio, il y avait la cassette de Tout pour la musique dedans. La flûte. Donc elle a dû racheter la cassette deux ou tout trois fois. Tout pour l'autoradio, quoi. Et au bout d'un moment, à force de. Mais je suis sûr que je l'ai déjà raconté, celle-là. À force de se faire piquer la cassette, elle a fini par acheter le vinyle. Ah bah oui. Comme ça, bah, il n'y avait plus qu'à racheter une cassette vierge, c'était plus économique. Donc ça nous a. Voilà, j'ai vu une anecdote de plus sur l'album. C'est ça. Qui n'enlève rien à sa qualité. Et donc, vous avez une deuxième chanson. Alors, La Grosse Madeleine, alors là, je te le confie, je ne l'ai pas en disque. En revanche, je suis intimement persuadé que ma sœur, qui a 4 ans de plus que moi, l'a possédée quand nous étions plus jeunes, on va dire. C'est T'en vas pas. Si tu l'aimes, t'en vas pas. Papa, si tu l'aimes, dis-lui. T'en vas pas au bout de la nuit. Comme un voleur, il est parti sans moi. Papa, je t'assure, ou sans toi, je ne sais plus. Aussi. Anima. Oh, hey, franchement, on fait pas un duo. Mais si, c'est magique. Tout hein. est dans l'IRL. Hein. Le titre s'est imposé à moi parce que, bon, je vais pas te mentir, c'est pas un truc que j'écoute tous les jours. Oh, mais elle m'a marqué, c'est dingue, hein, cette capacité à enregistrer des informations. Peut-être inutile, je ne sais pas. Mais en tout cas, je la connais par cœur. Donc, c'est que. A priori, c'est que ça m'a marqué. Hein. C'est rentré, en tout cas, oui. Alors, donc, on parle évidemment d'Elsa Lunghini. Donc, plus connue tout simplement sous le prénom Elsa. C'est plus rapide. Et en fait, je l'ai découvert en préparant l'émission. Mais cette chanson, c'est la bande originale du film La femme de ma vie de Régis Varnier. Qui est sorti en cinéma en 1986. Donc, je n'ai aucune espèce d'idée de ce que vaut non plus. la bande. Bah, évidemment, j'ai jamais vu le film non plus, mais le clip était assez révélateur. Tu t'en souviens, ça passait des extraits du film. Qui a l'air assez... Ah bah on sent que c'est pas un trip à Euro Disney quoi. C'est voilà. Ça, voilà, c'est bon, on n'est pas chez Dorothée quoi. Mais c'était intéressant parce que grosso modo, la chanson raconte l'histoire d'une séparation et d'un divorce à travers les yeux d'une enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chanson avait d'abord été proposée à Jane Birkin. Tiens donc, ah ça je savais pas. Qui la refuse. Parce qu'elle était un peu trop vieille. Peut-être, je sais pas quoi. Parce qu'elle joue dans le film, non ? Bah oui, c'est ça. Alors, il faut savoir que le single est diffusé à la radio le 12 septembre 1986 et ne tarde pas à s'imposer dans les magasins. Le Continent, Mammouth, etc. Quoi. Écrase les prix. Et voilà, en quelques semaines, une caracole aux têtes du top 50 et s'impose à la première place la première semaine de l'année 1987, quoi, détrônant un certain... The Final Countdown. Ah bah parce même. Que... Je suis content parce que je ne l'ai pas retenu faute de place, mais je voulais le placer Final Countdown. Donc c'est fait, voilà, Mikado dans le texte, quoi. Du groupe Europe, évidemment. Oui, tout à fait. Elsa est alors la plus jeune artiste à avoir atteint la première place du top. Voilà. D'accord. Et ben donc, moi, j'avais, ton... j'avais pas le 45 tours, mais j'avais eu pour mon anniversaire, donc je crois que j'étais en 6ème à ce moment-là, la cassette de Boulevard des Hits 2. Ah oui, oh. Et ça ouvrait la deuxième face. Et après, c'était. Ah oui, genre ça t'a marqué quand même. Ah, mais complètement, j'ai encore le track listing en tête. Et d'ailleurs, j'ai racheté la compil en CD depuis. Et après, il y avait Premier Baiser. Ah, flûte. Ah ouais, quand même. Donc... Qui c'est qui chante ça déjà? Bah pour le coup, j'ai oublié. Mais c'est voilà, une c'est plage ce en été et tout. Vraiment le truc. Et donc bah Elsa, oui, j'ai écouté la chanson, même si c'était pas forcément la chanson que j'écoutais le plus sur la cassette, elle tournait quand même assez régulièrement, c'est une cassette que efficace, j'ai usée. Efficace la chanson hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors pour la petite anecdote, bah il faut savoir qu'il y a une version anglaise qui a été enregistrée sous le titre Papa Please Don't Go. Que je n'ai jamais entendu, donc j'ai pas d'avis. Moi non plus. Et elle a été confiée à Michael Jackson qui l'a refusée. Non, c'est pas ça. C'est un peu ça. Donc on attaque ton deuxième et dernier choix de titre francophone. Qu'est-ce que tu nous as retenu pour absolument, aujourd'hui? Absolument, absolument. Donc là on passe en 85. Quoi. Je ne fais pas que des choses du tout début de la décennie comme d'habitude. C'est ça, là t'es au milieu. On je vais bien. Jusqu'au milieu, mais c'est un peu quasiment le dernier 45 tours que j'ai acheté. Après j'ai eu un passage à vide. C'est un 45 tours de Louis Chédid qui s'appelle « God Save the Swing ». Les batteries qui sonnent, les batteurs qui cognent, les pédales Charleston. Les tumbas qui claquent, les congas qui tapent, les cabassas et les claves. Ouais, les saxophones, les basses qui bastonnent, les pianos qui volent. Les violons, les accordéons, ouais, les trombones. God save the swing. God save the swing. God save the swing. Swing. God save the swing. Yeah. Swing. Swing. God save the swing. Voilà. Alors, acheté au Monoprix de Nogent-sur-Marne. Acheté. Acheté. Acheté. Acheté. Nanan, promis. Et j'avais, pour l'anecdote aussi, j'avais très longuement hésité, tu vas hurler, mais j'avais très longuement hésité entre ce 45 tours-là et There Must Be an Angel de Eurythmics qui était sorti en même temps. Et tu c'était. L'as eu quand même, non? Non, le 45 tours, je ne l'ai pas eu. J'ai acheté le CD des années après. Ah, c'est ce que tu disais, ouais. Mais c'était mes deux grosses, grosses chansons de l'époque et je ne pouvais pas acheter deux 45 tours. Tu as tranché. Mais j'avais quand même tranché pour Louis Chédid parce que j'ai toujours adoré Louis Chédid. J'ai pas eu tous ces 45 tours comme ça peut être le cas avec Berger ou Gall, mais par contre, je les enregistrais à la radio. Dès qu'il y en avait une nouvelle, je suivais et j'ai toujours adoré son univers. Je connais pas très bien, mais c'est vrai que c'est chouette à écouter. Hein. Ouais, non, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce monsieur. Il a l'air sympathique au demeurant. Hein. Et oui. C'est vrai, hein. Moi, ça m'a tout de suite vraiment beaucoup plu. Peut-être que c'est le syndrome aussi Émilie Jolie, parce que il faisait partie du cast, hein, il faisait la chanson du raton laveur, et c'est peut-être même probablement là que je l'ai découvert la première fois et je l'ai jamais quitté et j'aime vraiment beaucoup. Il vient de sortir un album en plus là, il y a pas très longtemps. Eh ben je ne suis pas au courant, je l'ai quitté mais je ne suis pas l'actualité de tout le monde non plus. Mais voilà, donc c'est je sais pas si c'est son plus gros succès en l'occurrence mais voilà, je me lasse pas du 45 tours et pour l'anecdote encore la version du 45 tours est légèrement différente de celle de l'album et je n'ai jamais retrouvé moi quand je l'écoute quand tu dis différente c'est quoi les plus longues le bridge en fait le pont est différent de celui qui est sur l'album et vachement plus sympa sur le 45 tours je d'accord trouve. Ok donc moi j'ai mon CD mais j'ai la version 45 tours que j'ai enregistré après que t'as rippé quoi que j'ai rippé après parce que je préfère la version du 45 des fois c'est quelques petits trucs mais t'es tellement t'as tellement l'habitude du morceau que tu l'entends le trois petits trucs mais tout à fait c'est pas juste pour faire du mal aux mouches même si ça défoule. Alors, Sam, nous allons pouvoir aborder l'international, donc le reste du monde. Mmh. Que nous proposes-tu aujourd'hui ? Eh bien là, je tape dans le très très lourd. Queen, I Want to Break Free, 1984. I want to break free. Grosse chanson qui m'accompagne depuis 1984 parce que moi, Queen, je suis extrêmement fan du groupe. J'attends avec vraiment impatience le biopic sur Freddie Mercury là, qui doit sortir à la fin de l'année. Bon, évidemment, t'as pas dû voir ça, toi, mais il y a un film qui sort sur Queen et surtout sur Freddie Mercury. Ah, je savais pas parce et que j'ai vu un très bon biopic sur Freddie Mercury il y a pas très longtemps. Ah bon? Bon. Je sais pas si c'était pas sur la BBC ou, mais j'ai vu un truc qui était très très bien fait et vraiment passionnant. Alors c'est le deuxième single extrait de l'album The Work, sorti en avril 1984. Alors moi ce qui m'a marqué, évidemment la chanson, elle est cultissime, pour moi en tout cas, et le clip l'est tout autant. Il est réalisé par David Mallet, c'est une parodie d'un soap opéra britannique Coronation Street qui existe depuis les années 60. Tous les membres de Queen y sont habillés en femmes. On y voit Brian May durant l'introduction réveillé par un réveil à vapeur qui croise successivement Freddie Mercury déguisé en femme de ménage, évidemment avec la moustache apparente, hein, on est d'accord. Mais c'est tellement plus classe. Passant l'aspirateur, Roger Taylor en jeune étudiante préparant à manger et John Deacon en vieille femme lisant son journal. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre problème plus connu, celui-ci vient de la séquence du travestissement. Parce que le clip fut refusé par la MTV et d'autres chaînes nord-américaines, contribuant malgré lui au déclin de la popularité de Queen en Amérique. Et ça, je ne savais pas. Et ben moi non plus. Pour finir sur ce titre, moi j'avais le disque à l'époque. Je crois que c'était ma mère qui était particulièrement fan de Mercury. Je l'ai déjà raconté ça, mais elle me disait, je sais pas, ça m'a marqué à vie qu'il avait les dents qui couraient après le beefsteak. Je t'avais pas déjà raconté. Bon, écoute, okay. Je la connaissais pas, mais c'est une expression comme je les aime. Tu valides ou pas ? À mort, complètement. Et c'est vrai. Et j'ai toujours vu du coup Mercury avoir des dents qui couraient après le beefsteak. Voilà ouais, quoi. Courait après la saucisse aussi, remarque. Hein. Ça c'est un autre débat ça. Et c'est un titre que j'ai fait découvrir à mes héritiers et ça a bien pris aussi sur mes gamins donc voilà donc je suis assez content d'avoir retenu ce 45 tours pour notre spécial 45 tours Madeleine de Proust quoi. D'accord. Et toi mon petit Wiz ? Alors je valide. Ah. Déjà, hein. Voilà. Moi, je suis plus circonspect avec Queen. C'est un groupe. Je n'arrive pas à rentrer dans un album complet. Je trouve ça triste d'ailleurs parce qu'il y a plein de bons trucs et donc il y a plein de chansons que je trouve vraiment excellentes, dont celle-là. Mais par contre, j'arrive jamais à me taper un album complet. Ça me barbe assez rapidement. Un petit peu, ouais, je reconnais. Hein. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui marche pas avec moi. Les grosses chansons, elles sont énormes. Et les grosses chansons sont énormes et naturellement, j'avais accroché à l'époque parce que ça passait peut-être pas sur MTV, mais en France, ça passait. Ah oui, et moi, sans problème. Moi, je l'avais vu sans souci. Non, naturellement, c'est un clip. Enfin voilà, tu peux pas faire autrement que de rester devant et de le regarder jusqu'au bout et voilà, même si t'as été attiré que par l'image, fatalement, l'image te fait rentrer le son dans la tête et la chanson ne te quitte plus. C'est par l'image hein, qu'on a connu le, mais, la chanson, oui, oui, clairement. Essentiellement. Donc voilà, non, moi je valide, j'aime beaucoup. J'avais pas le 45 tours, je ne l'ai toujours pas. C'est un très bon choix. Et quant à toi, qu'est-ce que tu as nous proposé ? Eh bien, retour en 80, je m'excuse. Et je vais parler donc de Earth, Wind and Fire avec le cultissime Let's Go. C'est copyrighté ça. Je suis désolé, mais je mettrai une pièce. Il fait trop bien le vocodeur, c'est formidable. Vas-y, mais chante. Non, j'ai pas envie. Oh, Wiz. Oh, t'as la chansonnette facile en principe. Donc, c'était Let's Groove. Donc, pourquoi je l'ai choisi ? Eh bien, parce que... Je l'ai en 33 tours, ça. Je l'ai pas en 33 tours, mais c'est le premier 45 tours que j'ai acheté de mes mains avec mon argent de poche. C'est beau. Les autres avant, les quelques que j'ai eu avant, c'était des cadeaux. Et après, j'en ai eu encore quelques-uns en cadeau. Mais celui-là, c'est le premier que j'ai financé, acheté au Monoprix de... Non, au Prix Unique de Vincennes. Parce que chez Prix Unique... Les prix sont uniques. C'est ça. J'avais été d'abord extrêmement impressionné par la jaquette du 33 tours. Chouette, la pochette hein, les pharaons et tout là. Ouais, comme le gros de ce qu'ils ont fait, les pochettes sont absolument fabuleuses. Elles sont pharaoniques. Elles sont pharaoniques. Et j'avais été extrêmement impressionné par la pochette. Donc chez la fille de la concierge de l'immeuble qui me gardait après l'école. Mais t'en as déjà parlé. Et voilà, mais oui, et qui avait 18-20 ans, donc qui achetait énormément de disques, dont celui-là. Donc au départ c'était un visuel, et après quand elle a mis le disque, naturellement c'était plus juste un visuel, c'était un visuel plus une chanson. Et à la première occasion, vraiment, je mettais les centimes de côté les uns à la suite des autres pour pouvoir avoir le disque chez moi. Et il est toujours là, la pochette est en lambeaux. Ce qui s'appelle c'est en lambeaux. Celui d'époque. Quoi. Ah mais tous ceux que j'ai. C'est d'époque. Hein. Ah non, moi malheureusement, c'est des rachats brocantes. C'est pas grave, non, moi je les ai encore tous hein, et ils ont passablement vécu. Et celui-là a vraiment beaucoup, beaucoup vécu. Mais là, c'est l'objet que tu conserves, hein. On est d'accord. Absolument. Bah, tu le mets pas spécialement dans non, ta. Non, il était intéressant jusqu'à il y a pas très longtemps parce qu'il y a une version instrumentale qui est excellente en face B et qui était introuvable, qui est jamais ressortie en CD jusqu'à il y a pas longtemps. D'accord. Tu l'avais déjà ripé quoi. Donc je l'avais déjà ripé et entre temps est arrivé le coffret. De l'intégrale des albums Columbia d'Earth, Wind & Fire, et maintenant c'est dessus, donc il n'y a plus besoin, mais pendant longtemps c'est resté un inédit assez recherché. Moi, tu te doutes que je valide. Hein. En plus, Earth, Wind & Fire, j'ai déjà dû le dire, mon papa avait les disques et tout. Il faisait la batterie à Sacrée Soirée avec. Salaud. En fait, il avait deux groupes qu'il affectionnait dans cette période, c'était Earth, Wind & Fire et Chicago. Mm-hmm. Il n'a pas choisi les plus tard. Non, ça va. Et Earth, Wind & Fire, je valide. Voilà. J'ai pas d'autres trucs à part que c'est très très bien. Uh-huh. Vous avez un ultime 45 tours international. Donc, je vais vous parler de la chanson Do You Really Want to Hurt Me du groupe Culture Club 1982. Il fait à peu près. Ah oui, il y a une version dub. Cry, cry, cry, cry, cry. Alors, Il est en train de me plomber ma rubrique. Ça sent une vengeance de je ne sais quoi. Même pas. Alors c'est un, voire le plus grand succès du groupe Culture Club et de son chanteur Boy George, hein, paru sur l'album Kissing to be Clever. Bravo pour mon accent, t'as vu, je l'ai travaillé. Hein. Ah ouais, non, c'est bon. Looping, tu pourras pas me bâcher cette fois-ci. Cette chanson est sortie donc le 1er septembre 1982 et a fait la notoriété du groupe. Alors pourquoi je l'ai retenu? Parce que bon, pareil, je suis désolé, c'est un peu la même chose à chaque fois, mais c'était plutôt ma sœur qui avait des disques comme ça. Elle a dû l'avoir soit en album, soit en 45 tours. Je pense que c'était plutôt des 45 tours. Et ce qui m'avait un peu interloqué, évidemment, quand j'étais enfant, c'est que je comprenais pas pourquoi le monsieur il se déguisait un peu en madame. Surtout qu'il ressemblait pas vraiment à madame, tu vois. Comme il ressemblait pas beaucoup à monsieur non plus, bon, dans le doute. Je suis désolé, mais c'est normal d'en parler. T'sais, c'est rigolo d'avoir notre vue d'époque, tu vois. Enfin, il y avait pas que nous qui en parlions. On peut citer, en l'occurrence, ça fera plaisir à quelqu'un, la fameuse réplique dans Commando. Ah! Ah, oui. Il devrait l'appeler Girl George, ça serait plus honnête, ouais, ou un truc vrai. Comme ça. Clipper, ça on t'embrasse. Hein. C'est vrai que t'es sympa en IRL, hein. On le souligne. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est bien, on a placé Commando, quoi. Bah, t'as vu quand même. Putain, Creepers, Commando. Donc voilà, j'étais autant fasciné par la chanson que par le personnage. Mais alors, Boy George, je suis un peu mitigé sur sa carrière parce que cette chanson, elle est vraiment. Voilà, c'est les cieux, quoi. Enfin, il a vraiment une voix en or, une voix d'ange. Et je pense que c'est quelqu'un qui a pas très bien géré le succès immédiat ou quoi. Et bon, après, il a eu des travers et tout. Bon, personnellement, je me contrefous. Mais je trouve que cette chanson, elle est tellement au-dessus de tout, au niveau artistiquement parlant, que bah, ce qu'il a fait après, c'était tout de suite un ton moindre. Non. Vas-y, je t'écoute. Je m'inscris en faux. Moi, par exemple, Boy George solo, j'aime moins déjà, ah non, tu mais, vois. D'accord. Je sais même pas que j'aime moins, c'est que je ne connais même pas. Bah voilà. Donc mais par contre, Culture Club, là c'est le premier album. Mm. Ils ont quand même sorti, je crois que c'est 84, deux ans après, Color by Numbers avec Karma Chameleon. Ah oui, c'est vrai qu'elle est chouette. Et mais c'est pas juste une chanson, les 10. Mais tu l'as pas déjà chroniqué ça? Non. Non, j'aurais pu, mais... On en a déjà parlé dans une émission. Hein. Je suis pas sûr, ça me semble... Non, je crois pas. Bon, peu importe. Ou alors j'ai bu, c'est possible. Mais non, ça s'est vite effrité, mais il a fait encore mieux avec le deuxième album. Et il a fait pendant une petite période une musique, des chansons, des albums qui sont... pour moi vraiment des gros classiques et qui ne subissent absolument pas l'outrage du temps. Ah. Ça se bonifie limite avec le temps. Il n'y a pas un côté, je trouve moi, il n'y a pas un côté vraiment daté. C'est une vraie bonne prod, il y a des mélodies qui sont imparables. Il chante super bien. Divinement bien. Mais c'est pas juste un look. Ça n'a pas forcément duré longtemps, mais il a pas fait qu'une seule bonne chanson. Il tourne encore, non? T'as une idée? Aucune idée. Ouais, pareil. Je sais qu'il a été longtemps, plus ou moins, je crois, abonné au Ministry of Sound à Londres, où il fait le DJ, quoi. Mais, oui, c'est ça. Ouais. Mais je sais pas plus. Je sais pas plus. Bon, c'est plus trop ma cam. Après, quand ça rentre dans ce type de circuit, ça m'intéresse plus autant. Donc, c'est ça. Voilà. Mais les premiers albums sont vraiment, pour moi, ils sont à conseiller. On est d'accord. Donc là, on arrive doucement, mais sûrement à la fin de l'émission, hein, parce que du coup, vu le format, sincèrement, il y a matière à faire plusieurs numéros, je pense. Ouais, hein. Je pense qu'il y a possibilité. Ouais. Ça, c'est rigolo. Je suis assez conquis. Surtout qu'on s'est contenu, parce que 2-2-2, c'est moi déjà rien qu'en animation, dessin animé, limite, je fais un numéro particulier, tu vois. Ben, c'est ça. Non, mais comme ça, j'aurais pas 50 minutes de rush à couper au montage. C'est ça. Hein. J'étais obligé d'enlever du Noah. J'étais obligé d'enlever le Spectre Gadget. Les livres. Moi, j'aimais bien en 45 tours. C'est vrai qu'on en a pas trop parlé, parce qu'on n'a pas fait d'édito, mais j'aimais beaucoup, moi, les histoires 45 tours. Ah bah, tu sais, on a fait clochette. Hein. Ouais, c'est vrai, non, mais blague à part, ça me rappelle complètement des choses. Moi, j'en ai quelques-uns, vraiment, par contre, c'est les objets que j'aime bien collectionner. J'en ai quelques-uns sur les Ulysse 31, je crois que je dois avoir les Gobots aussi. Ah oui, quelques Casimir. Tu vois, moi j'ai quelques Casimir aussi. Et c'est les voix, c'est les mêmes. Et j'ai le Capitaine Flamme. Bon, par contre, c'est un 33 tours, donc je triche un petit peu, mais. Oui, je l'ai vu dans ton meuble. Et ouais, et voilà, c'est pas... souvent, t'avais les Zorro, les machins, tu vois, c'était des beaux objets, je trouvais, quoi. Et ils se débrouillaient pour que ça tienne sur, on va dire, un ou deux 45 tours, donc quatre faces, quoi. Ouais, non, mais il y avait des bons trucs, mais j'avais aussi quelques. C'est surtout ça, moi, que je retiens des 45 tours. Vraiment les histoires audio, quoi. Tu vois. J'en avais pas beaucoup. À la limite, plus de 33 tours, en fait, avec où là, l'histoire était plus... et puis quelques cassettes. J'avais Bernard et Bianca en cassette, comme ça. D'accord. Okay. Et bizarrement, t'as l'impression que c'est un truc que tu vas écouter une fois. Et en fait, on l'écoutait 50 fois. J'avais Taram et le Chaudron Magique. Ah oui. Aussi. Chanté par Douchka, non ? Non, non, l'histoire. Ouais, mais la chanson. Je me souviens plus. Mm. Je me souviens plus. Tu nous corrigeras, hein, comme voilà. Là-bas. Alors, je refais un tout petit saut dans le temps. On repart en 84. Et donc, le dernier 45 tours de la sélection, c'est Laura Branigan. Ah, avec The Lucky One. Non, c'est pas Self Control, c'est The Lucky One. Donc, 45 tours de Laura Branigan, qui a été, eh bien, classé au top 50. Il est monté pas bien haut, mais il est monté à la 27e place et il est resté classé 13 semaines. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glorieux. C'est que c'est en fait la première chanson que j'ai découvert au top 50 et que j'ai envie d'acheter. D'accord. Donc, De par le clip ou? Le clip était marrant. Je le trouvais assez sympathique. Ça changeait un peu du traditionnel plan fixe sur le chanteur avec sa fausse batterie en plastique derrière et son bon tant pis trois touches. Voilà, donc là, il y avait une mise en scène. Voilà. Il y avait une mise en scène qui était quand même assez sympa. C'était pas complètement dénué d'humour non plus. Et la chanson, je la trouve excellente, vraiment excellente. Ce qui fait que le 45 tours a vite, à corps et à cri, a vite fini par se retrouver dans ma chambre. Et je l'ai encore aussi, et il est complètement démonté tellement je l'ai usé et reusé et re-reusé. Tu sais à quel moment de la chanson il va sauter le disque, quoi, presque. Oui, ah oui, presque, presque. Depuis, j'ai même acheté le Maxi 45 tours pour avoir la version longue. Oh, zut, et j'ai l'album en CD qui n'est pas impérissable, mais effectivement qui contient, comme tu disais, le fameux Self Control qui est pas mal non plus. Mmh. On a quand même. C'est une reprise, hein. Oui, on ne sait jamais qui a repris qui, mais effectivement, c'était une des deux versions. Oui, c'est elle qui a repris. C'est alors qu'à l'origine, c'était Italo Disco. C'est ça, c'est du Italo Disco. Tiens, c'est marrant. Il me semble qu'on en a un peu parlé. C'est ça. Donc voilà, après, sur la petite dame, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est à peu près tout ce que j'apprécie d'elle. Le reste, pas plus que ça. Elle est décédée, malheureusement. Et elle nous a quitté, oui, une rupture d'anévrisme en 2004. Voilà. C'était sur cette note gay. C'était sur cette note joyeuse que nous allons nous quitter. Mais voilà, donc moi j'aime bien. Je sais pas si tu connaissais. Oui, mais c'est pas le titre que j'aurais retenu, évidemment, parce que Self Control, elle a vraiment tout cartonné avec ça. Mais en effet, le titre, il est efficace. Ça, je te rejoins complètement. Et ben voilà, c'est l'essentiel. Donc, on a toujours l'habitude de se quitter sur une petite chanson, je vais pas dire hors sujet, mais voilà, une petite cerise sur le gâteau à la crème. Oh. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, monsieur Tix? Ah, cool. Eh bien, en fait, bon, comme tu le sais, j'aime les dessins animés, et c'est vraiment les disques que j'achetais. Et là, je vais faire une petite dédicace à mon copain Daft Pokun, parce qu'on va se quitter sur le 45 tours des Mondes Engloutis, mais... Monsieur Wiz. Mais. Eh ben ouais, la danse des pirates, tiens, ça pourrait être sympa pour changer. Monsieur Wiz adore les Mondes Engloutis, moi beaucoup moins. D'ailleurs, tu me feras penser à te filer le coffret si je te l'ai pas déjà donné. Et non, par contre, l'OST exceptionnel, et c'est vrai que cette chanson de pirates... Cosma, encore comme d'habitude. Hein. À très vite les auditeurs. À ciao, très ciao. Bientôt. Et nous sommes de sacrés pirates. Mais c'est ça. Wow, wow. Habitant des strottes, pour votre punition, je suis Matimat. Je suis Moxocal, c'est moi qui ramasse. Je vibro, aspire tout ce qui passe. Pour votre terreur, je suis Sescapil. Pour notre bonheur, vous vous tombez pile. J'ai une obsession, la domination. Je n'ai qu'une passion, la possession. Si nous sommes de sacrés pirates, nous ne sommes pas de sacrés. Queen. Oh là là. Ok. Je coupe, t'inquiète.